un garde-chasse, guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine, avait donné à madame Djali, une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener, car elle sortait quelquefois, afin d'être seule un instant et de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin, avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la hêtrée de Banneville, près du pavillon abandonné qui fait l'angle du mur du côté des champs. Il y a, dans le saut de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne, jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes ou mordiait les coquelicots sur le bord d'une pièce de blé. Puis ses idées peu à peu se fixaient et, assis sur le gazon, qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait. « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je marié ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Elle se rappelait les jours de distribution de prix où elle montait sur l'estrade pour aller chercher ses petites couronnes. Avec ses cheveux en tresse, sa robe blanche et ses souliers de prunelles découverts, elle avait une façon gentille, et les messieurs, quand elle regagnait sa place, se penchaient pour lui faire des compliments. La cour était pleine de calèches, on lui disait adieu par les portières. Le maître de musique passait en saluant avec sa boîte à violon. Comme c'était loin tout cela, comme c'était loin. Elle appelait Djali, la prenait entre ses genoux, passait ses doigts sur sa longue tête fine et lui disait « Allons, baisez maîtresse, vous qui n'avez pas de chagrin. » Puis, considérant la mine mélancolique du svelte animal qui bâillait avec lenteur, elle s'attendrissait et, le comparant à elle-même, lui parlait tout haut, comme à quelqu'un d'affligé que l'on console.